Ok, on commence. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 38 dans l'explication du livre de l'imam al-Sabuni, Aqidatu al-Salaf wa Ashab al-Hadith, avec les commentaires de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafazahullah ta'ala. Et on était dans le chapitre Al-Ba'thu Ba'd al-Mawt. Al-Ba'th Ba'd al-Mawt. Et on a lu donc le passage à ce sujet. Et là, on est en train d'expliquer et lire le sharh de Sheikh Rabi' Hafizahullah au sujet de ce passage. Donc, on est rendu à un endroit ici où le Sheikh Rabi' Hafizahullah, il dit وَهَذَا مَعْنَا قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَهَذَا مَعْنَا قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَاخْتِلَافُ أَحْوَالِ الْعِبَادِ فِيهِ وَالْخَلْقِ ففي ذلك اليوم منهم من يعذب حتى في الموقف فالذي يمنع الزكاة يعذب بماله ذهبا كان أو فضة أو من الأنعام كما مر بنا في الأحاديث ومنهم من هو في رخاء وفي نعيم وفي ظل عرش الله ومنهم السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وفي رواية في ظله وفي رواية تصرح بأنه ظل عرشه وقوله في ظله يعني إضافة مخلوق إلى خالقه ويبين هذه الإضافة التسريح بأن هذا ظل عرش الله سبحانه وتعالى فيما يروونه ويلقونه هنالك فيما يرونه ويلقونه هنالك أي ما يشاهدونه بأعينهم من الأهوال ثم يلقون فعلا مما ينصب على أهل الشر من البلاء ومن بشائر السعادة للسعداء من أخذ الكتب بالأيمان وبشائر الشقاوة للأشقياء من أخذ الكتب بالشمائل فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه يعطي المؤمنين كتبهم بأيمانهم والكفار بشمائلهم وقد يأخذ بعض المجرمين بشماله والعياذ بالله وقال الله تبارك وتعالى في سورة الحاقة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وقال عمن أخذوا كتبهم بشمائلهم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الخاطئ هنا الكافر وليس المخطئ إذ المخطئ الذي يقع في الخطأ والخاطئ هو الكافر فهذه من الأهوال التي أشار إليها المؤلف رحمه الله خذوه فغلوه يأمر الله الملائكة عليها ملائكة شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يعني يأمرهم ويقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هل الذراع بيد الملك أو الذراع بيد ابن آدم؟ الله أعلم. Donc on va traduire tout ce qu'on vient de lire maintenant. Le cheikh explique ici par rapport aux différents états et aux différentes situations des serviteurs et des différentes créatures au jour de la résurrection, et que certains d'entre eux seront châtiés lors de l'attente. Il y en a lors de l'attente du jugement dernier, lorsqu'ils sont réunis tous ensemble sur l'endroit du rassemblement. Et donc, parmi ceux qui sont châtiés, il y a par exemple ceux qui ont refusé de payer la zakat ou qui n'ont pas payé la zakat, ils seront châtiés, et c'est les biens qu'ils ont refusé de payer en zakat qui vont servir de châtiment pour eux. C'est-à-dire que yani, l'argent qu'ils ont gardé avec eux, si c'était de l'or, ils seront châtiés par l'or, des plaques d'or qui vont les brûler et les écraser. Et si c'était de l'argent, ce sera des plaques d'argent qui vont les châtier. Si c'était du bétail qu'ils possédaient, eh bien c'est le bétail qu'ils possédaient qui vont les châtier. Ils vont se faire piétiner par les troupeaux qu'ils possédaient. Donc tout ça c'est mentionné dans les hadiths à ce sujet-là. Et tandis qu'il y aura d'autres parmi les êtres humains, les créatures, ce jour-là, qui vont être dans l'aisance et dans les délices sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Et parmi eux, les 7 catégories qui ont été mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, lorsqu'il mentionne que il y aura 7 catégories de personnes qui seront couvertes par l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, le jour où il n'y aura pas d'ombre excepté son ombre. Et dans certaines narrations du hadith en question, il y a la mention de l'ombre d'Allah, et dans d'autres narrations, il y a la mention du fait que c'est en réalité l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Et il explique, le cheikh, que lorsqu'il dit l'ombre d'Allah, c'est-à-dire, c'est comme si par rapport au fait d'affilier une créature à son créateur. C'est comme le fait d'affilier une créature à son créateur. Comme quand on dit par exemple la maison d'Allah. Ou bien par exemple lorsqu'on dit yani naqatullah, la chamelle d'Allah. Et ainsi de suite. Donc c'est d'affilier une créature à son créateur. Et non pas une attribut à celui qui est. Yani celui qui possède cet attribut-là. Donc c'est dans ce sens-là ici que c'est l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, comme c'est mentionné dans certaines narrations. Et le cheikh Rabi' Hafidhahullah, il a écrit un livre justement à ce sujet-là. Al-Qawl al-Wadih al-Mubin fi al-Murad bi dhill Allah alladhi wa'ada bihi al-mu'minin al-amilin. Donc ça c'est un livre qui est disponible, qui clarifie justement ce sujet-là. Et il dit, dans ce que les croyants, dans ce que les créatures vont voir ce jour-là, et ce qu'ils vont subir, ce qu'ils vont recevoir comme traitement et comme châtiment, comme rétribution. Et donc, ce qu'ils vont voir, ce dont ils seront témoins avec leurs yeux, des différentes des différentes choses effrayantes qu'ils vont voir au jour de la résurrection, et des différentes choses, qu'ils vont subir et qu'ils vont avoir comme épreuve et comme malheur. Et donc il faut savoir que l'être humain, à la base, l'être humain, il est peureux, il a peur de tout ce qui est différent, de tout ce qui est étranger, de tout ce qui est inconnu. Donc, l'être humain, sur Terre, il est habitué à voir ce qu'il connaît. Quand il se lève le matin, il voit le ciel, il voit le soleil, il voit la lune, il voit les nuages, il voit le paysage autour de lui. Et tout ça, c'est des choses qu'il connaît parce qu'il les a vues tous les jours dans sa vie. Le jour où tout ça ne sera plus là, hein, le jour où le ciel sera plus le ciel et la terre sera plus la terre et qu'il n'y aura plus de repères comme il les a connus dans la dunya, hein, l'être humain va être déjà, ça c'est suffisant pour l'effrayer, hein, et pour lui faire peur, pour lui faire peur. Donc on ne peut pas imaginer à quel point ce jour-là, ce sera un jour rempli de terreur pour les êtres humains, pour les créatures. Déjà ça c'est un exemple. Et il y a également des annonces de bonheur aussi pour les gens du bonheur. Ceux qui ont cru, ils vont recevoir leur livre de la main droite. Et il y a des annonces du malheur pour les gens du malheur qui vont recevoir leur livre par la main gauche. Comme Allah Azza wa Jal a mentionné cela dans le Coran, du fait qu'il va donner, hein, aux mécréants leur livre par la main gauche, et les criminels, hein, ils vont prendre leur livre par la main gauche, qu'Allah nous en préserve, tandis que d'autres vont recevoir parmi les croyants, ils vont recevoir leur livre par la main droite. Et il a cité comme exemple à ce sujet-là les versets dans Sourate Al-Haqqa. Et c'est les versets 19 à 24 et aussi 25 à 37. Donc, on va lire la traduction de ces versets-là, hein, parce que c'est un bon rappel pour nous. Donc, dans Sourate Al-Haqq, à partir du verset 19, « Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, « Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Hein? » Donc, quant à celui qu'on aura remis le livre par la main gauche. Donc, ça, c'est l'exemple, hein, au jour de la résurrection des deux catégories. Ceux qui ont reçu leur livre par la main droite et ceux qui reçoivent leur livre par la main gauche. Donc, ceux qui reçoivent le livre par la main gauche, hein, ils disent, j'aurais souhaité, hein, qu'on ne m'ait pas remis mon livre et de ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la mort définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, hein, ça c'est pour la personne qui est mécréante, qui a pas de foi. Et il mentionne, le cheikh, justement, que Allah Azza wa Jal ordonne aux anges à ce moment-là. Il leur dit, saisissez-le. Puis mettez-lui un carcan. Hein, un carcan, vous savez ce que c'est un carcan? Le carcan, c'est, hein, deux planches de bois comme ça, avec des trous pour mettre le cou et les mains. Hein, qu'on ferme une partie en haut, une partie en bas. Donc on enferme le cou et les deux mains dans cette planche de bois, dans ces deux morceaux de bois qui sont fermés sur le cou et la tête de la personne. Hein, c'est ça le carcan. Hein, donc, on dit saisissez-le, puis mettez-lui un carcan, ensuite brûlez-le dans la fournaise. Puis, liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah, le très grand, et n'incitait pas à nourrir le pauvre. Hein? Et il n'y a pas pour lui aujourd'hui d'amis chaleureux pour le protéger, ni d'autre nourriture que du pu. Hein, c'est du pu, il y en a qui vont manger, nasallallahu alayhi wa sallam, que seuls les fautifs, c'est-à-dire les mécréants, mangeront. Al-Khati'un, le cheikh, il explique, hein, ça vient du mot khata. Al-Khata, c'est l'erreur, mais il explique la différence entre Al-Khata, hein, et Al-Khati. Donc Al-Khati, c'est le mécréant, tandis qu'Al-Khata, c'est l'erreur. Et on dit à propos de celui qui fait une erreur qu'il est « mukhti » et non pas qu'il est « khati ». Donc la différence entre les deux, c'est quoi? c'est que si quelqu'un fait quelque chose par erreur, à la base, c'est pas un péché, parce que c'est une chose qui lui est excusée, parce qu'il a fait par erreur. Et c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il dit dans le hadith, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayhi. Donc Allah azza wa jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah, il pardonne à ma umma ce qu'elle a fait par erreur ou par oubli. Et ce qu'elle a fait sous la contrainte. Donc ça veut dire que si quelqu'un fait si quelqu'un a fait quelque chose par erreur, c'est pas un péché. Donc ici, quand Allah dit illa al-khati'un, hein, nul ne le mangera excepté les khati'un. Al-khati'un ici c'est les mécréants, les kuffars. Tandis que ceux qui ont commis des fautes, hein, les mukhti'un, ceux-là sont pas considérés comme étant des pécheurs. Hein, puisqu'ils ont fait ce qu'ils ont fait par accident ou par erreur. Et donc ensuite, Allah Azza wa Jal, quand il dit aux anges de prendre la personne et de l'enchaîner, de lui mettre un carcan et de l'enchaîner avec une chaîne de 70 coudées, yani sab'una zira'an, al-zira'a, à la base, c'est l'avant-bras. Hein, en arabe, on appelle al-zira'a, c'est l'avant-bras. Donc, la distance ou la longueur d'un avant-bras, on appelle ça en français une coudée, eh bien, le cheikh, il pose la question, il dit, est-ce que c'est une chaîne de 70 coudées selon la longueur d'un avant-bras par rapport à l'ange ou par rapport au fils d'Adam? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'avant-bras d'un ange ou l'avant-bras d'un être humain qui est pris en référence par rapport à cette longueur? Et le cheikh, il dit, Allahu a'lam, c'est Allah qui sait mieux. Donc on ne sait pas vraiment si c'est une longueur par rapport à la grandeur d'un ange ou la grandeur d'un être humain. Allahu a'lam, en tous les cas, 70 coudées, c'est très long. Et il dit, le cheikh ensuite, silsilatun dhar'uha sab'una dhira'an, يعني يقال تدخل من فيه وتخرج من دبره والعياذ بالله إهانة وعذاب إهانة يعني إهانة وعذاب وأغلال وحميم وجحيم bien on peut dire إهانة وعذاب وأغلال وحميم وجحيم وهذا حال الكافرين والعياذ بالله. Le cheikh il dit, c'est une chaîne de 70 coudées. Et on dit, à propos de cette chaîne, certains parmi les savants ont mentionné, hein, que c'est une chaîne de 70 coudées. Elle rentre par la bouche et elle ressort par son derrière. Wal'iyadu billah. Et ça, c'est une humiliation, un châtiment et un carcan et une fournaise. Hein, et un enfer dans lequel le mécréant est jeté. Et ça, c'est l'état des mécréants, hein, que Allah nous en préserve. Après, le cheikh, il dit, فَعَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ الصَّادِقِ بِالْإِيمَانِ الصَّادِقِ وَالْإِخْلَاصِ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ إن شاء الله نُعْطَى كُتُبُنَا نعطى كتبنا بأيماننا ويقول كل واحد منا إن شاء الله هاء مقرأ كتابية أي يعني فرح بما أوتي يقول انظروا ما فيه إني ظننت أني أي أيقنت فالظن هنا بمعنى اليقين أما إذا كان الظن بمعنى الظن الذي يستوي فيه الطرفان أو يرجح أحد الطرفين فهذا لا يقبل فلا بد من اليقين ولا بد من الإيمان الجازم فهو يقول إني أيقنت أني ملاق حسابية يعني يؤمن بأن الله سيبعثه وسيحاسبه على ما قدم في هذه الحياة من خير وشر فاستبشر لما لما أخذ الكتاب باليمين وقال لإخوانه ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية الله أكبر نسأل الله أن يجعلنا منهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ومن عقائد صحيحة وأعمال صالحة وأخلاق عالية والالتزام بالإسلام الحق واتباع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام لأنه لا يغني في ذلك اليوم نسب ولا مال ولا جاه ولا سلطان ولا ملك يقول الكافر يومئذ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية جيوش وجنود وصواريخ ودبابات وطائرات ثم يأتي يوم القيامة مسكينا ليس عنده شيء هذه حاله وتأخذه الملائكة وتعامله كما ذكر في الآية والعياذ بالله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ما سبب ذلك؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا يحض على طعام المسكين ليس فيه خير كله شر والعياذ بالله ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما Donc ça c'est un autre passage, on va traduire maintenant. Ici le cheikh il explique, il dit, donc nous devons croire avec une foi sincère et avec une pureté, une sincérité dans les paroles et dans les actions pour Allah seul, Inch'Allah, et on aura alors, on nous donnera alors notre livre de la main droite. Hein? Et chacun d'entre nous, Inch'Allah, dira... voici, lisez mon livre. Et il sera heureux de ce qu'il a reçu. Il dit, regardez ce qu'il y a dedans. J'étais certain. Zanantu, il dit ici dans le sens de la certitude et non pas dans le sens du doute ou de la conjecture. Lorsque deux choses deux choses égales, on ne sait pas laquelle des deux est vraie. Eh bien, ça, c'est Adhan. Ici, Adhan, c'est dans le sens de Al-Yaqin, la certitude. Donc, il faut absolument avoir la foi certaine, la conviction, qu'on va avoir notre jugement. On va rencontrer Allah Azza wa Jal. Allah va nous ressusciter. Il va nous juger. Et yani, il va nous rétribuer selon ce qu'on a fait pendant la vie, de bien ou de mal. Alors, yani, le croyant, ce jour-là, il se réjouit du fait qu'il reçoit son livre de la main droite. Et il dit à ses frères, voici mon livre, lisez mon livre. J'étais certain de trouver mon jugement dedans. Alors, il sera dans une vie agréable, dans des jardins élevés. Comme on a lu tout à l'heure dans Sourate Al-Haqqa. Donc ça, c'est une sourate. Qui décrit bien cette situation-là au jour de la résurrection, lorsque les croyants reçoivent leur livre dans la main droite et les mécréants dans la main gauche. Donc il dit, yani, il sera dans une vie agréable, dans des jardins haut placés, élevés, et dont les fruits sont à portée de la main. Yani, il n'a pas besoin de grimper très haut dans les arbres pour aller prendre des fruits. Non, là, il tend sa main et le fruit, là, il descend pour lui. Yani, Allahu Akbar. Il dit, on demande à Allah de faire en sorte que nous soyons parmi ces gens-là. Et on va leur dire, mangez et buvez. Yani, mangez et buvez. Yani, hani an. Yani, c'est comme si... Félicitations pour vous. Hein? Mangez et buvez, félicitations pour vous, pour ce que vous avez fait dans les jours passés, lorsque vous étiez dans la vie d'ici-bas, hein? le bas monde pour appliquer les ordres d'Allah et obéir à Allah. Et vous écartez des choses haram et vous avez respecté les enseignements des messagers. Et donc, félicitations pour vous. Maintenant, vous pouvez manger, vous pouvez boire et vous réjouir éternellement dans les jardins du paradis. Et ça, c'est la bonne croyance parce qu'ils ont eu la croyance authentique, la bonne foi, la bonne aqidah. Et ils ont fait les bonnes œuvres et ils ont eu un comportement exemplaire, un comportement élevé. Et ils ont respecté les enseignements de l'islam, de la religion de vérité. Et ils ont suivi les nobles messagers que Allah Azza wa Jalla a envoyés à l'humanité. Et il dit parce que au jour de la résurrection, il n'y aura rien qui pourra profiter à quiconque. Même, peu importe sa lignée, hein, peu importe sa lignée, sa noblesse, sa famille, peu importe ses biens. Hein, sa richesse, peu importe son statut, hein, sa position, peu importe son autorité, peu importe son pouvoir, hein, peu importe sa propriété ou qu'est-ce qu'il possède. Et c'est pour cette raison que le mécréant, Allah Azza wa Jal, il mentionne qu'au jour de la résurrection, le kafir, le mécréant, il va dire, « À quoi m'a servi tous mes biens et ma richesse ?» Hein? Toute mon autorité et ma puissance est partie. Hein? Tout ça s'est perdu. Et le cheikh, il explique, il dit, c'est-à-dire, si la personne, c'était quelqu'un qui était puissant sur ce bas monde, quelqu'un qui avait un empire ou une richesse ou un grand pays, hein? Il avait des armées à son service. Il avait des soldats, des armées. Il avait même des missiles, des tanks, hein? Des tanks. Il avait des avions de chasse, hein? Il avait une armée à son commandement. Ça, c'était lorsqu'il était dans le bas monde. Et quand il est au jour de la résurrection, c'est un misérable. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien avec lui. Il n'a même pas de vêtements pour se couvrir. Hein? Ce jour-là, il vient avec rien du tout. Et dans cette situation-là, les anges viennent le prendre et agissent avec lui de la manière que Allah Azza wa Jal a mentionné dans les versets, justement, comment on l'a mentionné. Les anges, Allah leur dit, prenez-le et mettez-lui un carcan, puis jetez-le dans la fournaise, brûlez-le, puis ensuite mettez-lui une chaîne dont la longueur est de 70 coudées. Hein? Attachez-le avec. Et c'est quoi la cause de ça? Hein? C'est quoi la cause de cette rétribution qu'il reçoit? Il dit c'est parce qu'il ne croyait pas en Allah le Très Grand. Et il n'incitait pas à nourrir les pauvres. Il dit donc c'est une personne, il n'y a aucun bien dedans. Il n'y a aucun bien dans cette personne-là. Tout ce qu'il a, c'est du mal. Et c'est une personne mauvaise. Wal'iyadu billah. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah Azza wa Jal, il n'est pas injuste. Hein? Il ne fait d'injustice à personne. Le verset 49 dans Surat Al-Kahf. Et dans le verset 40 dans Surat Al-Nisa, Allah Azza wa Jal, il dit, certes, Allah ne fait même pas un atome, hein, le poids d'un atome d'injustice. La yadlimu mithqala dharra. Même pas un atome d'injustice il fait. Et il dit, et s'il y a une hasana, hein, s'il y a une bonne action, il va la multiplier. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Et il donnera de sa part une immense récompense. Il dit ensuite, Cheikh Rabi hafidhahullah, il dit, قال المصنف والإجابة عن المسائل الله سبحانه وتعالى يسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بالكفار لا شك أنه يسألهم ويحاسبهم أما المؤمن فيدنيه سبحانه وتعالى ويضع كنفه عليه ويقول له: ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ فيعترف فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر فيسأله فيفضحه أمام الناس وعلى رؤوس الأشهاد. وإذا كان له غدرة يغرس له راية عند استه ويقال: هذه غدرة فلان، والعياذ بالله من الغدر ومن نقض العهود والمواثيق. Donc ici le cheikh il explique, il dit que l'auteur, l'imam al-Sabouni, rahimahullah, il dit il devra répondre aux questions. Il y aura la réponse aux questions, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il va poser la question aux véridiques à propos de leur véracité. Et alors que dire des mécréants? Il n'y a pas de doute qu'il va les questionner et qu'il va les juger. Il dit tandis que le croyant, Allah Azza wa Jal va le rapprocher et il va le couvrir et il va lui demander: n'avais-tu pas fait telle chose N'avais-tu pas fait tel péché ou telle action ou telle chose? Et le croyant, il va reconnaître. Alors Allah Azza wa Jal va lui dire: je l'ai couvert pour toi, ce péché-là, dans la dunya, et aujourd'hui je te le pardonne. Tandis que le mécréant, Allah Azza wa Jal lui pose la question et il va l'humilier devant tous les hommes et devant tous les témoins ce jour-là, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parce qu'il n'a pas cru en Allah Azza wa Jal. Et dans la vie, dans ce bas monde, il s'est moqué des croyants. Il a renié la foi, il a rejeté les messagers, il a rejeté les livres et la révélation. Il a refusé de se soumettre et il a pris la religion en animosité. Et la vérité, il l'a combattue. Au jour de la résurrection, il va être humilié devant toute la création. Et il dit également: la personne qui a trahi un engagement ou une entente qu'il avait signée, une entente qu'il avait signée, une allégeance qu'il avait donnée, et il a trahi, on va lui établir un drapeau ou une bannière ce jour-là, et on va écrire ou on va dire: ceci est la trahison d'un tel, et on va mentionner son nom dessus. Ça va être un drapeau marqué, ceci est la trahison d'un tel, wal'iyadu billah. Donc tous ceux qui ont commis des trahisons et qui ont brisé leurs engagements et leurs ententes, ils seront rassemblés autour de leur bannière ce jour-là pour les humilier. Il dit ensuite: qala ila sa'il az-zalazil wal balabil al maw'udati fi dhalika al yawm al 'azim والمقام الهائل مثل ما أشرنا إلى ذلك سابقا من دنو الشمس حتى لا يكون بينها وبين الناس إلا مقدار ميل وأنهم يغرقون في العرق كالوديان فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه ومنهم من يأخذه إلى ساقيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وقال: من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير وغيرها. وكل هذه الأمور العظام وكل هذه الأمور العظام والأهوال التي يواجهها المكلفون من الجن والإنس، فهناك المرور على الصراط وهناك الميزان وهناك الحساب، يحاسب الله الناس على أعمالهم ويختلف العلماء أيها أسبق الميزان أو الصراط ونشر الصحف كذلك الحوض أيضا يعني أيها أسبق الحوض أو الصراط أو الميزان اختلف فيه ولكن الراجح أن الحوض قبل الصراط وقبل الميزان أيضا والميزان قبل الصراط يحاسب الناس ويحاسب الناس في الموقف على أعمالهم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك في جهنم خالدون ونشر الصحف هو الذي ذكرنا من إعطاء الكتب بالأيمان والشمائل التي فيها مثاقيل الذر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما والصراط جسر على جهنم يمر عليه الناس فمنهم من يمر عليه كالبرق ومنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاويد الخيل ومنهم من يمر كالراكب على الإبل ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو حبوا وعلى الصراط كلاليب والعياذ بالله مثل شوك السعدان يا لكنها في غاية العظمة يعني تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من تخطفه فيهوي في النار ومنهم من تخدشه فيسلم فينجو وهكذا وفي المرور منهم من يحبو حبوا كما سلف وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم ما من أحد إلا ويمر على الصراط فالمؤمنون ينجون والكفار يسقطون فيها جثية والعياذ بالله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية نعم. Donc ici le cheikh il termine en mentionnant le fait que l'auteur par la suite il mentionne que il y a d'autres également parmi les tremblements et les malheurs qui ont été promis dans ce grand jour, le jour de la résurrection. Il y a des situations effrayantes et des choses graves qui vont se produire ce jour-là. On a déjà mentionné également la proximité du soleil de la tête des gens. Il n'y aura que la distance de Al-Mil entre les hommes et le soleil. Et ils vont commencer à transpirer. Et certains vont se noyer dans leur sueur. Et d'autres, ils auront la sueur jusqu'à leur cheville, d'autres jusqu'à leur genou. D'autres à la mi-jambe, d'autres jusqu'au genou, d'autres jusqu'à leur bouche. Ils vont être complètement couverts ils vont se noyer même dans leur propre sueur. Et on a mentionné également qu'il y aura la traversée du pont sur l'enfer. Il y aura les balances qui vont être établies pour peser les œuvres. Et il y aura les livres qui vont être distribués. Et dans ces livres, il y a toutes les valeurs des actions qu'une personne a fait, que ce soit bien ou mal, même si c'est le poids d'un atome, ça apparaît dans ce livre. Et donc, il dit, dans toutes ces choses immenses et dans ces choses graves, les hommes et les djinns auront des comptes à rendre. Et donc, la traversée du pont, les balances et le jugement Allah va juger les hommes selon leurs actions. Et les ulama, ils ont divergé entre eux par rapport à l'ordre de ces événements-là. Hein? Qu'est-ce qui va arriver en premier? Et le cheikh explique ça, puis il dit que la position authentique, la plus forte, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, la position la plus authentique à ce sujet-là, c'est que la première chose qui arrive, c'est al-hawd, ensuite al-mizan, et ensuite as-sirat. C'est ça les événements des choses au jour de la résurrection. Et certains ulama, ils ont écrit par rapport à ça pour se souvenir le mot hims. Il y en a hims pour se souvenir, c'est-à-dire le ha, c'est pour al-hawd, et le mim, c'est pour al-mizan, et le sad, c'est pour as-sirat. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est ça le mot hims, c'est pour yani ces trois lettres de les trois lettres de ce mot là pour déterminer l'ordre des événements. Donc en premier, il y aura le bassin duquel les croyants vont boire, hein, après quand le jugement va commencer. Donc ils vont s'abreuver et ils n'auront plus jamais soif. Ensuite, il y a les balances avec les œuvres qui sont pesées. Et ensuite, il y a la traversée du Sirat. Et il dit le cheikh que As-Sirat, ça on va en parler, il le mentionne par la suite. Donc il dit, il y a les balances qui vont peser toutes les œuvres, même si elles sont comme le poids d'un atome, elles paraissent dans la pesée. Et il mentionne également le cheikh que Nashr al-Kutub, Nashr al-Sohuf, ça c'est le fait que les hommes vont recevoir leurs livres, soit par la main droite ou par la main gauche, comme on a mentionné. Et il dit quiconque donc fait un acte de bien, quiconque fait un atome de bien, il va le voir. Quiconque fait un atome de mal, il va le voir au jour de la résurrection. Et donc ça c'est la preuve, hein. Et Allah Azza wa Jal, il ne fait pas d'injustice. Allah Azza wa Jal, il ne fait pas d'injustice à personne. Et il mentionne que Inna Allah la yazlimu mithqala dharra, c'est-à-dire il ne fait même pas un atome d'injustice à la création, hein. Donc Allah Azza wa Jal, il ne fait pas d'injustice, puis en plus, il est généreux. C'est-à-dire que quand tu fais une hasana, il ne va pas juste te récompenser cette hasana, il la multiplie la récompense. Hein? Donc ça, c'est la preuve comment il est généreux en plus. Donc il est juste et en plus, il est généreux. Il donne plus que ce que tu mérites quand tu fais le bien. Et As-Sirat, on a dit, c'était le pont qui sera placé sur l'enfer. Tous les hommes devront passer par-dessus. Et parmi les êtres humains, il y en a qui vont traverser ce pont-là comme un éclair. Et d'autres, comme un clignement de l'œil. Et d'autres, comme le vent. Et d'autres, comme un cheval de course. Et d'autres, comme un chameau qui traverse à la marche. Et d'autres, comme une personne qui est en train de marcher. Il y en a qui vont ramper même sur ce pont. Et il dit, de chaque côté du pont, il y a des crochets. Wal'iyadu billah. Et ces crochets-là, ils attrapent des gens selon leurs œuvres. Il y en a qui vont être jetés en enfer. Et il y en a d'autres qui vont être épargnés. Hein? Et c'est ça que le cheikh il a expliqué à ce sujet-là. Et le verset 71 dans surat Maryam, Allah Azza wa Jalla dit wa in minkum illa wariduha. Et c'est à ça que ça fait allusion ici, c'est-à-dire la traversée du pont qui est sur l'enfer, as-sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Donc tout le monde devront traverser ce pont-là. Il y a les croyants qui vont être sauvés et les kuffars, hein, qui vont tomber dans l'enfer à ce moment-là. Et s'il y a des croyants qui tombent à cause de leur péché, mais les croyants, eux, qui sont tombés en enfer, ils ne vont pas rester pour toujours. Ils vont en sortir éventuellement. par la grâce d'Allah. Mais les mouchriquins et les kuffars, eux, ils vont rester pour toujours dans l'enfer. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa alaykum salam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste pour mentionner qu'on va changer le programme, on va changer les heures, parce qu'avec le ramadan, c'est sûr que le programme est différent. Les cours ne seront plus après le maghreb, les cours vont être après le dhuhr, et on va faire la semaine tafsir. Et le week-end, on va choisir deux sujets différents pour le week-end. Donc, ça c'est pour ce qui est du programme par rapport aux cours. En ce qui concerne les activités par rapport à la mosquée, ben c'est à cause du couvre-feu qui a été changé. Donc je sais que avant c'était 9h30. À partir de ce soir, le couvre-feu, ça va être à 8h. Donc ça veut dire qu'après le maghreb, on n'aura pas beaucoup de temps. On va prier automatiquement, tout de suite, comme là maintenant ça va être le adhan. Tout de suite, on va prier le maghreb pour avoir le temps de pouvoir rentrer à la maison. Et puis après, Inch'Allah, si vous voulez, on peut faire le jam'a, rassembler le maghreb avec le isha, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de temps. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il n'y aura pas assez de temps pour faire le maghreb ici, alors à ce moment-là, on n'aura pas le choix, prier le maghreb et le isha à la maison. D'accord? Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nasallahu alayhi wa sallam tawfiq. Ouais, c'est ça, exactement, parce que ça va être trop serré.